Chapitre 7e. Quand Juliette avait examiné la question de savoir si elle devait ou ne devait pas se marier, elle avait parfaitement prévu que si elle épousait Adolphe, elle devait d'avance renoncer à toute influence et à toute autorité dans les affaires de son mari. D'ailleurs, Madame d'Alifard avait eu la franchise de la prévenir, et dans la demande que celle-ci avait faite, elle avait nettement posé la question. C'était une sorte de marché que Madame d'Alifard était venue lui proposer. « Bien que vous n'ayez pas de fortune, je vous accepte pour belle-fille, mais à condition que vous ne vous mêlerez pas de mes affaires. Une femme riche se croirait des droits que votre pauvreté vous interdit. Voilà pourquoi je ne prends pas une bru riche et pourquoi, au contraire, j'en prends une pauvre. » Ce marché, elle l'avait consenti. Que lui importaient les affaires de son futur mari et les prétentions de sa future belle-mère? Au reste, ses prétentions lui paraissaient fondées et légitimes. C'était Madame d'Alifard qui, par son intelligence et son travail, avait acquis cette fortune, que les exigences de la loi l'obligeaient à partager avec son fils. Elle voulait maintenant continuer à la diriger seule et la manier à son gré, sans être gênée dans ses combinaisons par l'intervention d'une belle-fille ou d'une famille étrangère. Cela était juste, jusqu'à un certain point, et si cela convenait au fils, la belle-fille n'aurait rien à prétendre. Elle n'avait qu'à se tenir dans un rôle effacé pour tout ce qui touchait aux choses d'intérêt. Ce rôle, d'ailleurs, lui convenait sous tous les rapports. Elle n'avait aucun goût pour les affaires, et de plus, elle avait trop de fierté pour vouloir intervenir dans une association où sa part était nulle. On n'aurait déjà que trop de raisons de l'accuser d'avoir fait un mariage d'argent. À tout prix, elle devait éviter ce qui pourrait justifier cette accusation. Si elle était pleinement décidée à respecter scrupuleusement les conditions que Madame d'Alifard lui avait imposées, elle croyait que celle-ci, par contre, respecterait celle qu'elle avait consentie. Sans doute, avec ses habitudes d'autorité, Madame d'Alifard devait se mêler plus d'une fois de ce qui ne la regarderait pas, et il ne faudrait pas se montrer trop rigoureux pour elle. Juliette avait compté sur ses interventions et, d'avance, elle avait pris avec elle-même le ferme engagement de ne pas s'en fâcher. Mais ce qu'elle avait pu imaginer, connaissant le caractère entier de sa belle-mère, était resté à mille lieues au-dessous de ce que la terrible réalité venait de lui révéler si brutalement. Le coup qu'il avait frappé avait été si foudroyant qu'il l'avait écrasé. Ce n'était plus une intervention plus ou moins active entre elle et son mari qui était à craindre. Ce n'était plus d'une querelle d'intérieur qu'il était question, c'était sa vie même qui était atteinte, c'était sa délicatesse, sa pureté, sa dignité de femme. En voyant comment sa belle-mère avait pris ses dispositions et tout arrangé, sans la consulter en rien, elle avait éprouvé une impression douloureuse. Cependant, la découverte de ces choses de ménage, si pénible qu'elle pût être, ne l'avait qu'à moitié surprise. Restant en Suisse et laissant à sa belle-mère le soin d'organiser son appartement, elle avait dû prévoir et elle avait prévu en effet d'étranges fantaisies autoritaires. Mais ce qu'elle n'avait pas prévu et ce qui l'avait stupéfié, ça avait été ce qui avait suivi cette découverte. Lui imposer une femme de chambre pour la coiffer chaque jour et exiger que cette coiffure ne fût pas celle à laquelle elle était habituée, ce n'était plus une chose de ménage. Mais ce qui était encore moins chose de ménage, ce qui était horrible, ce qui était inimaginable, c'était tout ce qui avait rapport à la question de la grossesse. Ainsi, elle devait déjà être enceinte. Elle devait avoir un enfant dans un délai déterminé. Elle devait n'en avoir qu'un. Et l'ayant, elle devait le donner en nourrice afin de rester à la disposition de son mari. Ainsi l'avait décidé sa belle-mère, qui ne craignait pas d'exposer nettement ses exigences. Quelle femme croyait-on qu'elle était pour lui tenir un pareil langage et lui poser de pareilles conditions? On la traitait donc comme une esclave qu'on a achetée et payée. Son rôle était tracé. Assurer immédiatement la perpétuité de la famille par un enfant et ensuite rendre à jamais son mari heureux. Voilà ce qu'elle devait. C'était pour qu'elle accomplisse cette double tâche que Madame d'Alifard l'avait choisie, sa pauvreté répondant d'avance de sa docilité et de sa soumission. Elle passa une nuit affreuse, déchirant son mouchoir pour étouffer ses sanglots et ne pas réveiller son mari, qui dormait près d'elle avec béatitude, le plus heureux homme du monde assurément. se levant tandis qu'il dormait encore, elle put faire, tant bien que mal, disparaître les traces de ses larmes, et quand il s'éveilla, elle reçut son baiser du matin avec un visage calme, qui ne disait rien des angoisses de la nuit. « Je vais descendre tout de suite, » dit-il. « Je veux faire à maman la surprise qu'elle me trouve le premier au bureau. Rien ne peut lui être plus agréable. Elle est si bonne pour nous. De notre côté, faisons ce que nous pouvons pour elle. Cela ne te contrarie pas. En rien. » Lorsqu'il remonta, quelques instants avant de déjeuner, il la trouva assise sur un fauteuil au milieu du salon. À la voir immobile et inoccupée, un étranger n'eût jamais supposé qu'elle était la maîtresse de cette maison. Elle avait l'air d'une amie en visite, d'une parente. « Que fais-tu là ? » demanda Adolphe en venant l'embrasser. « J'attends. On dirait que tu n'es pas chez toi. Devais-je faire quelque chose ? Tu devais faire ce qui te plaisait. J'ai réfléchi. Comme tu me dis cela, tu m'en veux d'avoir travaillé ce matin ? Oh, pas du tout, je te jure. Alors tu ne seras pas fâché si je retourne au bureau cet après-midi. Maman a besoin de moi. Bien entendu, je ne lui ai rien promis, mais si cela est possible, je serai bien aise de la contenter. Que comptes-tu faire de ta journée ? J'irai voir ma mère. Alors je vais demander à maman si tu peux prendre le coupé. Comme nous devons travailler ensemble, il n'est pas probable qu'elle sorte. J'aime mieux marcher, je te remercie. Encore fâché ? Je n'ai pas de chance. Je ne suis nullement fâché. J'avais l'habitude de marcher aux avants. Je voudrais marcher à Paris. Il n'en est pas moins vrai qu'il se passe en toi quelque chose d'extraordinaire. Quoi ? Je n'en sais rien. Mais depuis notre arrivée, tu n'es plus ce que tu étais. Qu'as-tu ? Qui t'a fait de la peine ? Madame d'Alifard, en entrant dans le salon, arrêta l'explication qui commençait entre le mari et la femme et qui peut-être aurait été décisive. Cette explication interrompue ne fut pas reprise. Car après le déjeuner, Juliette sortit pour se rendre chez sa mère qui habitait le boulevard Malesherbes. Madame Nélis avait été si humiliée pendant longtemps de donner son adresse rue de Dunkerque qu'elle avait voulu prendre un quartier respectable et c'était la raison toute puissante qui l'avait obligée à se loger auprès du parc Monceau au lieu de demeurer près de sa fille. Là, au quatrième étage d'une maison neuve, l'escalier garni d'un tapis était chauffé par un calorifère. Elle occupait un petit appartement exigu qui lui coûtait plus cher qu'un vaste et bel appartement au Marais. Mais ni la question de l'éloignement, ni celle de l'exiguïté, ni celle des 104 marches à monter, ni celle du prix, n'avaient pu l'emporter sur celle de la respectabilité. « Je t'attends depuis hier, » s'écria Madame Nélis en voyant sa fille entrer. « Ma pauvre enfant, ma pauvre enfant !» Et elle se jeta dans les bras de Juliette. « Je ne me suis couché qu'à minuit. » continua Madame Nélis. Et à chaque instant, je croyais t'entendre sonner. N'es-tu pas arrivée hier soir ? Oui. Alors, tu as donc fait un coup d'état et tu as obligé Madame d'Alifard à te céder sa chambre ? Ah, maman, je t'en prie, ne parlons pas de cela, dit Juliette, pourpre de confusion. Comment ? Ne parlons pas de ça ? Et à qui parleras-tu de tes chagrins, pauvre malheureuse, si ce n'est à ta mère ? « Crois-tu par hasard que j'étais la complice de Madame d'Alifard dans ce guet-apens ? Quand elle m'a montré votre appartement, je lui ai dit ce que je pensais de son procédé, et je lui adressais les observations que je devais. Je soutenais tes droits, j'étais forte. Cependant, j'avoue que je n'ai pas eu le dernier mot. Mais qui peut l'avoir avec Madame d'Alifard ? Et toi, qu'as-tu dit, qu'as-tu fait ? Puisque tu n'es pas venu te réfugier près de ta mère, c'est que tu l'as emporté. Par quel moyen ? « Je n'ai rien dit, je n'ai rien fait. Alors tu acceptes cette chambre unique ? Et tu accepteras aussi, n'est-ce pas, le velours d'Utrecht dans l'entrée ? Car tout se tient, et une concession nous conduit à une autre. Aujourd'hui notre dignité, demain notre goût, tous les sacrifices les uns après les autres. Mais tu ne vois donc pas quel avenir tu te prépares si dès maintenant tu n'as pas la force de résister au despotisme de ta belle-mère ? Tu t'es senti trop faible, n'est-ce pas ? Et tu viens me demander mon appui. Eh bien, je te soutiendrai, ma chère enfant. Compte sur moi. Compte sur ta mère. Je suis venu t'embrasser. Tu courbes la tête. Alors que veux-tu dans ton ménage ? La paix. Avant tout et par-dessus tout, la paix. Sans doute, la paix est la meilleure des choses, mais pour avoir la paix, il faut faire la guerre. Si tu cèdes aujourd'hui une chose sans résistance, et demain une autre, Madame Dalifard ne s'arrêtera pas dans ses exigences. Tu avais du caractère. C'est parce que j'ai un certain caractère que je m'impose la tâche de maintenir la paix dans mon intérieur, et que je ne veux pas obliger mon mari à se prononcer entre sa mère et moi. Je t'en prie donc, ne parlons pas de cela. Je ne suis pas venu pour me plaindre. Dis tout de suite que tu ne veux pas de mon appui et que tu n'as que faire de mes conseils. Mère. Eh bien va, agis comme tu voudras. Mais ne viens pas plus tard me dire que j'aurais dû te prévenir et te soutenir, car je te répondrai que tu n'as pas voulu croire ce que je te disais. Ah, si tu avais voulu épouser le comte de Sexas, tu n'en serais pas là aujourd'hui. Mais, comme toujours, tu n'as fait qu'à ta guise. Tu n'as pas voulu écouter mes conseils, et voilà où tu en es. Si, au lieu de ses reproches, Juliette avait entendu une parole de simple tendresse, elle eût pleuré avec sa mère. Elle repartit comme elle était venue, le cœur gonflé, et elle rentra dans sa maison pour prendre sa place au milieu de son salon. « Vous n'avez pas amené votre mère avec vous ?» dit Madame Dalifard en se mettant à table. « Je comptais dîner avec elle. » « Elle ne m'a pas dit qu'elle était invitée. »« Invitée? Par qui? Est-ce que je suis invitée, moi ?»« Vous? Mais vous êtes chez vous, il me semble. »« Il vous semble mal. Une fois pour toutes, qu'il soit bien entendu que vous êtes chez vous. C'est moi qui suis à votre table, et non vous qui êtes à la mienne. » Puis, se tournant vers la femme de chambre, « Remportez ce poulet à la cuisine, il n'est pas cuit. »